La plus belle symbolique de ma vie. Quand l'œuvre d'une mère trouve sa cohérence dans une toute petite fleur. La tulipe noire. C'était le 24 juin 1995. J'étais étendue au sol du Boeing qui me ramenait au bercail. Je venais de perdre conscience. Chute de pression, oui. Mais je soupçonne que mon corps avait pressenti ce qui m'attendait à l'atterrissage. Cette journée-là, ce n'était pas que l'avion qui allait atterrir. Au même moment, j'allais revenir dans la réalité que j'avais fui à mon départ vers Vancouver. Je ne me rappelle pas avec qui ou de quelle façon. 10 jours plus tôt, j'avais pris la décision de partir chez mon oncle et ma tante, malgré ce moment crucial de ma vie. Mon oncle était dirigeant dans une compagnie aérienne. Il avait donc des droits de passage hors du commun. Il était venu me chercher aller-retour Vancouver-Montréal pour m'accueillir chez lui. Je me rappelle peu de choses de ce voyage. Mais lorsque, durant le vol, mon oncle m'a demandé de quitter mon siège avec toutes mes affaires et de le suivre à tout juste 30 minutes de notre arrivée, les images se sont fixées en moi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il a gardé mon sac, m'a fait un clin d'œil et m'a laissé au bon soin de l'agent de bord. La tête remplie de questionnements, je suivis cet homme jusqu'à l'avant, soit le cockpit. Le jeune homme déplia un siège entre les deux pilotes. Il attacha la ceinture de sécurité, referma la porte de ce minuscule espace, et ça y était. C'est presque impensable aujourd'hui de repenser à cela, à la suite du 11 septembre que nous avons connu. Mais en 1995, j'ai eu cette chance. Les pilotes se sont présentés et ils m'ont souri. Et c'est dans un silence complet, du moins celui qui m'habitait, que nous avons amorcé la descente. C'était, comment dire, inimaginable. Je ne pleurais pas, mais les larmes coulaient sur mes joues. Je suis persuadée que ma bouche est restée ouverte, du début à la fin. C'était magique. En fait, c'était une drôle de poésie qui s'exerçait en moi à ce moment précis. Ma mère me disait souvent que le ciel était le pays de mes deux pères décédés. Et pendant que l'on m'offrait cette chance de regarder ce ciel dans le bleu des yeux, pendant que je vivais cette descente vers Vancouver, ma mère, elle, amorçait son envol. Ma mère était en fin de vie. À ce jour, les sensations de l'engourdissement que je vivais avec les dernières semaines m'empêchaient de me rendre compte que c'était bizarre de quitter celle qu'on aime le plus au monde à ce moment de sa vie. Aujourd'hui, je comprends que la survie émotive est prête à beaucoup pour retarder l'acceptation de la réalité. Fuir devient une drogue qui est facile de se resservir jusqu'à la surdose inévitable. Ce dont je me souviens de ce voyage, une pseudo-pause mentale, des bons soins, un moment pour reprendre des forces, pour ce qui allait incontestablement arriver. Et hop, le moment de revenir était déjà arrivé. À mon retour ce 24 juin, je suis persuadée que ma mère était entrée dans son dernier coma au même moment que j'avais perdu connaissance dans l'avion. Ma tante qui m'attendait à l'aéroport, avec autant de braques d'amour, m'a soutenue jusqu'à la maison où reposait ma mère, inerte, dans son lit. Cette journée-là, couchée à ses côtés, je vis par sa fenêtre une fleur qui attira mon attention. Pour mieux comprendre ma mère, je dois expliquer qu'elle était maniaque du jardinage, des fleurs, des plantes. Des dizaines de semences en gestation arboraient constamment le bord de la fenêtre. La maison s'apparentait au jardin botanique, et je ne pourrais vous dire combien de fois je l'ai surprise avec sa lampe frontale dans la plate-bande de la cour jusqu'à tard, très tard. Le jardinage était son art. Cela dit, quelle ne fut pas ma surprise de réaliser que cette fleur magnifique que je voyais par la fenêtre de sa chambre était une tulipe noire. J'en eus des frissons. Premièrement, je ne savais pas que ça existait. Et deuxièmement, je dois avouer timidement que j'avais vu en cette fleur un signe évident que la fin serait certaine. Le temps venu, je l'ai coupée avec quelques autres et je les ai déposées sur ma main pour honorer son dernier souffle. Puis 13 années ont passé, jusqu'à ce que je retrouve par la magie de Facebook mon oncle Guy, qui m'avait accueilli à Vancouver des années plus tôt. L'heure des gratitudes était arrivée. Il avait été présent à un moment crucial de ma vie et je mourais d'envie de lui exprimer ma reconnaissance. Tout aussi spontanément que par le passé, il planifia un vol, aller-retour, rapide, afin que l'on puisse se rencontrer. J'ai eu l'impression de retrouver une portion de mon coffre à souvenirs. Cette partie de ma vie s'était éteinte avec ma mère, mais je ressentais en moi un réel besoin de me rappeler et de comprendre, comme si c'était moi qui sortais d'un coma. Ce soir-là, l'Opéra de Montréal était devenu la trame sonore de cet émouvant souvenir, celui de la tulipe noire. Durant le souper, il m'a rappelé mon état lors de ma venue à Vancouver. Cette impression que je donnais d'être en contrôle de tout ça, mais déconnecté à la fois. On a parlé des rêves de ma mère d'aller au Japon, au Tibet. Et il m'a dit tout bonnement comme ça: « Ce dont je suis le plus fière, c'est que ta maman l'a eu, sa fleur noire. » « Quoi? Sa fleur noire? » « Oui. » Quand ta mère est décédée, il y avait une fleur noire devant sa chambre. Oui, ça je sais. Pourquoi tu me parles de ça? Comment le sais-tu? Karine, cette fleur noire, ta mère y a mis beaucoup de temps. Cette fleur n'est pas une fleur normale. Elle est la confection de ta mère. Cette tulipe est un hybride. Elle a été créée sur des années, mais juste avant de partir, elle l'a eu. J'étais sans mots. C'était un morceau manquant à mon casse-tête. On m'offrait sur un plateau d'argent un cadeau magnifique. C'est la plus belle analogie de toute ma vie, la plus belle des symboliques. Je réalisais que ce qu'elle avait créé avec sa fleur, elle l'avait créé pour moi. Toute sa vie, malgré les pertes, elle a nourri chez moi le droit d'être différente, m'a encouragée à ne pas me fondre à la couleur des autres, sans rien m'imposer, en me laissant le temps. Elle tentait de faire émerger le meilleur de moi. Même si j'étais imparfaite, elle m'aimait comme j'étais. Elle était discrète sur ce qu'elle désirait pour moi. Elle se concentrait plutôt sur la possibilité que, même après son départ, tout comme pour la fleur noire, je saurais un jour comprendre qu'il est possible, tel l'hybride d'une tulipe, de transformer nos deuils en quelque chose de grand, d'unique et magnifique. Away.